L'humanité, puis les cycles cycliques, les cycles dans les cycles, puis l'auto-régulé, puis la cosmogénèse. J'ai pensé à ça, puis là, je me disais, je pourrais parler, bon, les cycles par rapport à. Puis, à un moment donné, je me suis dit, d'un point de vue pragmatique, est-ce que c'est utile, là, en ce moment, parce qu'on est dans une phase importante? Est-ce que c'est important de savoir ça? Puis, je me suis dit, faudrait peut-être, je vais. Encore là, dans une optique par rapport à une certaine vulgarisation, puis de s'adresser à tout le monde, je me suis dit, c'est pas important ces choses complexes-là, fait qu'aussi bien revenir à du pragmatique puis du bon. Au niveau là, de l'histoire de l'humanité, mais à mes yeux, c'est les humanités. Pas au sens, là, les humanités, les scolastiques, là, au sens que on n'est pas la première humanité nécessairement, puis bon. Et puis, là, je repensais à ça. Vous savez, comme en anthropologie, ou bien l'histoire, ou les universitaires, souvent, ils vont vous mettre ça. Je ne vais pas mettre détaillé des cycles plus détaillés, là, comme eux autres, ils le font, mais bon, pour employer là, des termes que tout le monde connaît, il y aurait eu l'âge de pierre, puis là, l'âge de fer, puis l'âge de bronze. Souvent, on va présenter ça comme si c'était quelque chose qui venait du 19e siècle, là, ça a arrêté, là, ils ont découvert ça. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que le premier qui a parlé, l'âge de pierre, je pense que c'est Tacite, là, ça remonte à l'Antiquité. C'est des vieilles affaires. C'est des vieilles affaires. Puis si vous tombez, par exemple, plus les traditions plus anciennes, le cycle est inversé, c'est le contraire. Il y a eu un âge d'or, puis là, il y a eu une dégradation qui mène jusque à la phase de maintenant, là, qui va s'étirer encore peut-être sur 200 ans, qui est la pire phase de dégradation, si vous voulez, là, l'âge de fer, ou ce que les hindous là, appellent le Kali Yuga. Mais c'est encore là, j'ai pas vraiment l'intention de parler de ça. Au niveau de ce qu'on pourrait considérer comme mon opinion subjective à moi, l'humanité actuelle a à peu près 6000 ans, puis c'est la cinquième. Ça, c'est selon là, des paramètres là, que, bon, j'ai pas nécessairement l'intention d'élaborer non plus, mais au niveau, par exemple, le cycle là, de vie d'un être humain, OK? Parce que, premièrement, là, il va avoir. Au niveau là d'une structure, il y a, admettons, l'humanité, une humanité, comme l'humanité actuelle, c'est toute la même, là. Peu importe la race, peu importe la civilisation, c'est la même humanité. Mais à l'intérieur de l'humanité, il va y avoir des sous-groupes, si vous voulez, comme les Asiatiques, ainsi de suite. Et à l'intérieur de ces sous-groupes-là, il va y avoir des sociétés différentes. Comme au niveau des Asiatiques, vous avez les Chinois, les Japonais, des Euro-Asiatiques comme les Altaïs. Les Altaïs sont très anciens. C'est un peuple qui a survécu à des. Bon, en tout cas. Et puis à l'intérieur, là, vous allez avoir d'autres sous-groupes puis des individus. Mais le cyclique, lui, il est répétitif. C'est des cycles dans des cycles. Puis l'humanité est involutive, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a une circonvolution, ça tourne en rond, puis là il y a une dégradation un peu, on pourrait faire un parallèle là, avec la thermodynamique de la physique et puis. Mais bon, pour faire court, si on prend un individu, puis après ça on va voir par rapport à bon un individu, mais admettons là il y a une ligne, il y a une naissance. Il y a une enfance, si vous voulez, une adolescence, de l'âge adulte, la fleur de l'âge, la vieillesse, puis là, il y a une mort. OK? Ben, une civilisation, c'est pareil. Une civilisation, ben, elle vient au monde, il y a un développement, là, elle va se développer, puis là, après ça, là, il va y avoir une dégradation, puis là, après ça, ici, il y a une période de décadence. Avec la civilisation, elle meurt. Il y a tout le temps une période de décadence. Si vous regardez les Romains qui ont précédé les Byzantins, il y a eu une période de décadence. Comme là, en ce moment, là, il y a des places en Occident, c'est à la veille de se sodomiser dans la rue. Ça fait partie de la décadence. OK? Donc, ici, pour qu'il y ait une naissance d'une civilisation, vous allez avoir des êtres relativement qui captent du nouveau, si vous voulez, au niveau de leur esprit. Ça passe dans le collectif, fait que là, il y a une montée, si vous voulez. Et puis, prenez par exemple la sophistication technologique, une fois qu'elle passe dans le collectif, ça va tout le temps entraîner une certaine dégradation au niveau de d'autres choses plus subtiles. Comme aujourd'hui, là, tout le monde a des cellulaires, puis ils ont les yeux morts, puis ça dirait des zombies dans la rue. Ça fait partie, là, d'une dégradation. Mais là, on est, comme je vous dis, on est dans une période de décadence, là, au niveau de l'Occident, je parle. OK? Puis quand une civilisation meurt, une période de décadence, il y a des individus qui vont se détacher, eux autres, de la masse. Puis c'est ces individus-là, souvent, que quand ça va mourir, eux autres, ils vont fonder une nouvelle civilisation. Puis là, ça continue. Ça va continuer au sens que, comme je vous dis, à un moment donné, Rome tombe, puis là, vous avez les Byzantins qui arrivent, et puis après ça, là, à ce moment-là, les Européens, si vous voulez, sont des barbares, mais à un moment donné, il va y avoir un retour que c'est l'Europe qui va monter, ou ça va correspondre à la dégradation de l'Empire byzantin, puis ça se promène, et puis c'est l'intelligence, ça appartient pas à une race, à une société en particulier, c'est quelque chose qui. Il y a eu des époques où les Arabes, par exemple, étaient beaucoup plus avancés que nous. Ou comme les Chinois, par exemple, quand Marco Polo est arrivé en Chine, il a été très surpris du niveau. Marco Polo, il arrivait Marco Polo, il arrivait de chez des barbares, là. Les Italiens de son temps, c'était pas. Bon, vous voyez ce que je veux dire, là, j'ose l'espérer. Mais là, à un moment donné, là, en ce moment, on n'est pas nécessairement à une fin de cycle d'une civilisation. On est à une fin de cycle d'une humanité. Puis comme je vous dis, ça peut s'étirer sur 200 ans encore avec une nouvelle humanité naisse. Il y a une nouvelle humanité qui est en germe, mais c'est tellement des embryonnaires que. Donc, et puis ici, il va y avoir des petits cataclysmes quand une civilisation est en fin de vie, parce que le plan matériel qui est un plan expérimental, si vous voulez, il y a des plans plus subtils, puis c'est tout interrelié. Et puis, fait qu'il va y avoir des petits cataclysmes au niveau naturel, comme l'éruption du Vésuve vers une certaine époque, des petites choses, là. Mais quand c'est l'humanité, là, qui est vers une fin de cycle, puis qu'il y a une décadence, là, qui est en train de se généraliser dans une superficialisation, un culte de la science. Prenez le mythe des Atlantes, là. Ça va être lié, là, il y a un culte, il y a une dégradation, puis certaines connaissances deviennent des activités de compensation au niveau de cette civilisation-là, puis à un moment donné, ça va correspondre à des cataclysmes planétaires. Comme par exemple le déluge, si vous voulez. Mais le déluge, moi, à mes yeux, c'est quelque chose d'évident, là, c'est quelque chose de réel qui s'est produit, et ce n'était pas le premier, il y a eu plusieurs déluges. Parce que comme je vous dis, là, il y a eu plusieurs humanités, là, puis ça, c'est la cinquième ici. Puis, ça achève, mais ça, c'est si on la regarde à une échelle lointaine, là. Si on regarde ça en gros de loin, ça, on est vers la fin pas mal. Ça achève. Mais il reste encore du temps, là, pour au niveau d'une vie humaine, il reste beaucoup de temps quand même. Mais comme on est en pleine période de décadence, on va voir puis vivre des choses. On va voir puis vivre des choses, des chocs qui vont fragiliser la civilisation pour qu'à un moment donné, il y ait une nouvelle civilisation avec des. Tout ça, là, ça va être nouveau, là. Ça, c'est jusqu'à un certain point mon opinion subjective à moi. Mais il y a des choses là-dedans que je suis certain. Il y a des choses là-dedans que je suis certain. Et puis, si vous regardez, là, comme je vous dis, les cycles, là, au niveau. Parce qu'il y a même des humains qui vivent des cycles, puis ils finissent que ça vient de décaler. À un moment donné, il y a une période de déchoc qui font réaliser quelque chose, puis ils deviennent une nouvelle personne, là. C'est parce que ce qui existe au niveau de l'individu existe au niveau des sous-groupes, existe au niveau des foules, existe au niveau des masses, existe au niveau des sociétés, existe au niveau des civilisations, puis au niveau d'une humanité, là aussi. C'est des cycles dans des cycles, puis c'est toutes les mêmes. C'est toutes semblables un peu. Donc, il y a toujours un cycle de. On n'est plus dans de la transformation, là, c'est de la transmutation. Prenez par exemple l'allégorie du Christ. Le Christ, bon, il descend, puis là, il y a une naissance. Là, je dis le Christ entre guillemets, là, moi je ne suis pas croyant. Mais au niveau de l'allégorie, de ce que je comprends, puis tout, il y a une certaine. Il y a une réalité pareille, là, c'est juste qu'elle a été interprétée, c'est devenu des dogmes, et puis bon, moi je suis pas quelqu'un de dogmatique. Donc il y a une naissance, là il y a un parcours, il prêche tout, il fait ses affaires, là il y a de la marde parce qu'il y a une confrontation avec la société, puis là après, tu sais, il y a des problèmes, là, parce qu'il y a quelqu'un qui vient parler de certaines choses, hein, fait que c'est pas le temps, mais ça prend des chocs pour qu'il y ait quelque chose qui, bon, à un moment donné, il y a des problèmes, la société, elle va se défendre, si on peut dire. Là, c'est ça, là, il y a des problèmes, puis tout le mané, il meurt, puis là, il y a un retour à peut-être autre chose, là. Mais, si vous regardez ça comme faux, c'est un peu comme une chenille, elle va avoir une vie qu'elle mange des feuilles, puis après ça, elle se fait un cocon, puis elle devient papillon. Puis au niveau, là, de l'allégorie du Christ, il fait manger des feuilles, puis il prêche, après ça. Il meurt, on le met dans un linceul, un peu comme un cocon de papillon. Puis là, maintenant, supposément, il sort, là, il est transfiguré, puis il est rendu un papillon. Puis là, tu aboutis à. Parce que l'évolution, c'est tout le temps par rapport à des chocs, puis c'est tout le temps par rapport à des événements. Les choses évoluent dans le traumatisme. Les choses évoluent dans le traumatisme. Puis c'est bien. Là, c'est un peu grossier ce que je fais là, puis il y a ben, pas mal d'allégories, puis, mais j'ose espérer qu'il y a une partie qui se comprend quand même. Parce que là, disons, comme je vous dis, là, il y a un développement de civilisation au niveau d'une civilisation, comme là, il va y avoir des choses qu'on découvre, comme je sais pas, moi, l'imprimerie, là, il y a un développement. Mais il va avoir après ça une dégradation parce que la masse s'approprie des choses dont elle n'a pas la maturité à certains niveaux, comme la les téléphones cellulaires en ce moment, c'est en train de détruire des gens, ils se détruisent l'esprit parce qu'ils n'ont pas la maturité de ce. Bon. Et puis là, il y a une dégradation. Puis là, mais c'est sur du long terme, là, c'est des exemples que je donne. Après, là, il y a une décadence, là. Comme si vous prenez. La Corée du Sud, par exemple, ça a été bon pour elle jusqu'à un certain point d'être colonisée par les Japonais au début du 20e siècle. Parce que quand les Japonais sont arrivés en Corée du Sud, il y avait une stase. Les Japonais ont été confrontés là, à des confucianistes là, habillés en blanc avec les ongles de long là, qui ne faisaient rien. Puis ils ont fondé ils ont vu ça, puis ils ont dit ça n'a pas de bon sens. Puis les Japonais ont fondé. Mais dans le traumatisme, là, c'était rough, là, ils sont rough, eux autres. Puis ils ont fondé les premiers hôpitaux, les premières vraies écoles. Puis par après, là, il y a eu encore des événements rough. Les Japonais tombent, les Américains arrivent, les Sud-Coréens tombent dans la technologie. Puis là, aujourd'hui, à Séoul, là, les hommes se maquillent, ils sont tous sur les patentes, puis il y a des niveaux de suicide, là. Le suicide, quand t'arrives, là, ici, là, whoop! C'est sûr, parce qu'il y a une superficialisation au niveau, de la manifestation. Des individus, il commence à une superficialisation quand c'est rendu que les hommes se maquillent, puis que tout le monde est sur les machines, puis que tout le monde est obsédé par la technologie, puis que là, l'important, c'est d'avoir à tout prix un capital, puis d'un capital au sens le monétaire du terme, une carrière, puis il y a une superficialisation, là, au fond. Puis là, c'est ça, là, le suicide, là, ça monte. Ça monte en flèche, puis ça, c'est. Mais c'est normal, ça fait partie des lois. Ça fait partie des lois dans une société de l'individu par rapport à la société. Puis, il faut comprendre que ces lois-là, c'est pas. C'est des lois rough, là. L'intelligence systémique, c'est pas humain, ça, là. C'est pas des lois humaines. Puis, c'est quand même. C'est pas comme. On n'est pas avec. Il n'y en aura pas là, de compassion de la part de ce qui est au-dessus de nous pour l'individu qui se plaint. Parce que la vie est un rapport de force. Puis c'est un rapport aussi, un rapport à soi, rapport au monde, au niveau de, on est dans une perception, là, on palpe le réel à travers une perception, on est enfermé dans une certaine subjectivité, puis pour des raisons d'évolution, on va être confronté à des lois que c'est pas humain, là, c'est extrêmement rough, justement, pour qu'une certaine superficialité dans l'être humain soit détruite, la structure superficielle fragilise, à un moment donné, ça pète, puis ça aboutit à autre chose, là. Comme je vous le dis, là, c'est la cinquième fois, là, qu'on arrive à un moment donné, il va en avoir des cataclysmes, puis des choses, puis des morts, puis c'est certain, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis possiblement, pour couronner ça, là, puis à un moment donné, il va y avoir un déluge par rapport à des lois qui sont liées, là, à des cycles que je veux pas entrer là-dedans. Je veux pas entrer là-dedans, mais à un moment donné, les vannes sont réouvertes, l'eau monte, puis ceux qui savaient, les autres, ils font partie là, de ceux qui étaient ici, puis qui sont sortis, ceux qui savaient, puis tout, et ils sortent, puis là, ils vont faire partie de ce qui vient après. De ce qui vient après. Puis c'est tout le temps accompagné d'une nouvelle perception, d'une. Bon. Je pense que j'en ai dit assez, puis vous faites ce que vous voulez avec ça. Je laisse ça à votre discrétion, à votre interprétation, puis. Percevez-le par vous-même, pensez par vous-même, puis moi j'enseigne à rien. Je suis juste là pour donner des pistes puis enclencher aussi peut-être un mouvement par rapport à certaines choses que c'est bien difficile de penser à ça tout seul des fois, ou d'appréhender ça, ou de voir certaines choses tout seul. Et puis c'est une question d'échange, donc c'est ça. C'est peut-être un peu grossier, là, mon. Je suis pas mal rough, là, comme. Je suis pas mal moi-même, là, proche de pas loin d'être une intelligence. Moi aussi, là, des fois, je suis peut-être un peu dur. Une certaine dureté. Parce que moi, je vois être frais ce qui se passe dans le monde, puis je regarde ça calmement, parce que d'un point de vue pragmatique, ça me donne rien de. Nous ne pouvons rien faire, il y a des choses qui nous dépassent, et puis prenez soin de vous, pensez à vous, préservez-vous, faites ce que vous pouvez. On peut pas faire, on changera pas le réel, on peut pas. Bonjour.